Donc, avant de démarrer, juste quelques informations que je tenais à préciser, enfin, ou à rappeler pour certains qui ont déjà assisté à nos webinaires. Nous avons mis à votre disposition une page sur le site Jury Travail. Donc, c'est www.jurytravail.com/coronavirus. Et cette page répertorie tous nos articles, dossiers, ainsi que les vidéos des précédents webinaires et les plannings des webinaires à venir. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Si vous avez besoin de conseils sur les sujets que nous allons aborder, mais des conseils un petit peu plus précis, beaucoup plus adaptés à votre cas concret, n'hésitez pas à contacter Maître Fontana ou Franck Martini, dont vous avez les coordonnées sur l'écran que je vous présente actuellement. Nous allons donc aborder plusieurs thèmes au cours de cette webconférence. Donc, tout d'abord, le document unique d'évaluation des risques. Nous aborderons ensuite l'hygiène et la santé au travail, le télétravail, dans quelles conditions, l'épineux problème des transports en commun pour les personnes qui habitent dans des grandes villes, et enfin l'attitude à adopter vis-à-vis des personnes à risque. Donc, nous allons nous lancer dans le vif du sujet avec le document unique d'évaluation des risques. Doit-on obligatoirement le mettre à jour? Certains élus et chefs d'entreprise considèrent en effet que c'est un problème extérieur à l'entreprise, donc qu'il n'est pas forcément nécessaire de le faire. Pourtant, il me semble que c'est le cas. Je vous laisse la parole, Maître Fontana. Oui, je vous remercie. Alors, je vous rejoins tout à fait. Il est évident que quand bien même la pandémie que nous sommes en train de vivre et de traverser est indépendante, hein, de la volonté de chacun d'entre nous, il n'en demeure pas moins qu'elle a un impact dans le monde du travail et que la réponse est claire. Oui, le DUER doit être mis à jour. Alors, pourquoi? Dans une période comme ça de crise, il est toujours important de se référer aux fondamentaux, à ce qui existe et à ce qu'on appelle le droit positif, qui doit nous servir de repère et de base de réflexion. Donc, l'article du Code du travail, c'est l'article 4121-1 qui dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. J'ai envie de dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit ou presque, parce que le DUER, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend l'inventaire des risques, le classement de ces risques et les propositions d'action qui sont mises en place par l'employeur. Des moyens qui sont lesquels? Des moyens de prévention, d'information, de formation et l'organisation des moyens qui sont adaptés à chaque, alors, entreprise, mais dans chaque entreprise aussi, à chaque poste et à chaque fonction. On sait que ce DUER, en tout état de cause, doit être mis à jour régulièrement. Il doit aussi être mis à jour chaque année et plus spécifiquement lorsqu'il y a une décision d'aménagement qui risque d'avoir des conséquences sur les conditions de travail et l'hygiène et la sécurité. Et lorsque on a une information qui concerne l'évaluation d'un risque. Aussi, lorsque les salariés sont amenés à travailler dans le cadre d'une pandémie, donc dans le cadre de quelque chose qui est contagieux, il appartient à l'employeur de limiter le plus possible les risques de contagion du virus COVID-19 sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Dès lors, il appartient à l'employeur d'évaluer les risques liés à la pandémie avant de les retranscrire dans le DUER qui doit donc être actualisé. En ce sens, qu'est-ce qu'on a eu récemment comme directive? On a bien entendu le ministre du Travail qui a précisé qu'il incombait à l'employeur dans cette situation d'associer les représentants du personnel à ce travail et de solliciter, lorsque cela est possible, le service de médecine du travail est quand même le superviseur, si on veut, des conditions d'hygiène et de sécurité au sein même de l'entreprise. Moi, ce que je souhaiterais, c'est quand même attirer l'attention des entreprises sur le risque de sanctions lourdes et importantes auxquelles elles se prêtent si elles ne mettent pas à jour le DUER. Et en ce sens, on a eu des juridictions qui se sont d'ores et déjà prononcées. Je n'en citerai que trois, qui sont des ordonnances de référé qui ont été rendues dans l'urgence parce que des salariés ou des salariés reliés par leur syndicat ou instance représentative ont saisi le juge judiciaire afin d'attirer l'attention sur ce qu'on appelle un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent mettant en danger le salarié ou en tout cas les salariés de l'entreprise. On a une ordonnance de référé d'avril donc de ce mois-ci qui dit grosso modo ce qu'il faut faire et deux autres qui nous disent attention, il ne faut pas faire. La première donc, qui est ce que l'employeur doit retenir pour éviter toute sanction, c'est qu'il a été jugé que cette situation de crise sanitaire est constitutive d'une obligation qu'on qualifie juridiquement de soudaine, nouvelle et impérieuse pour les employeurs, ayant pour effet de modifier de manière complémentaire et exceptionnelle leurs obligations générales d'appréhension des risques professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en résulte une obligation distincte et additionnelle d'évaluation des risques en tenant compte spécifiquement de l'épidémie COVID-19 et visant autant que possible à l'anticipation de manière exhaustive s'agissant de la santé et de la sécurité des travailleurs. Dans le cas d'espèce dont je vous parle, la société avait mis en place un ensemble de mesures de précaution et de prévention en appliquant concrètement et localement, ce qui veut dire sur chaque établissement ou chaque sous-établissement de leur groupe, des directives et des recommandations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, tout en étant en concertation, et ça c'est important de garder le lien avec les élus, qu'il s'agisse du CSE, du CHSCT ou éventuellement des CNSST, et en prenant, à mon sens, ça c'est très important, avis auprès du médecin coordinateur des services de santé au travail. Dès lors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DUER doit être mis à jour. Et preuve en est de cette affirmation et de cette confirmation du juge judiciaire, c'est qu'on a deux ordonnances de référé, une du tribunal judiciaire de Paris, du 9 avril 2020 qui concerne la société La Poste et l'autre, une ordonnance de référé du TJ de Nanterre du 14 avril 2020 qui concerne la société Amazon, où là, le juge a considéré que ces deux sociétés, qui certes hein, avaient mis en place des mesures de prévention, qui avaient rappelé les gestes barrières, la distanciation sociale dont on nous parle régulièrement, qui avaient modifié aussi l'organisation du travail en fractionnant par exemple les horaires, les pauses, en modifiant une rotation des équipes. Malgré tout, il a été jugé que l'évaluation des risques, ce qui veut bien dire le DUER, induit par l'épidémie du virus Covid, avait été certes prise en compte, mais qu'elle était insuffisante car elle ne permettait pas une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle. Ce qui veut dire que la traduction, c'est que l'employeur ne peut pas, dans ce domaine de contexte épidémique, se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes. Ce qui était surtout aussi reproché à ces deux grandes sociétés, ce sont des grands groupes, c'est que les représentants du personnel n'avaient pas été associés à l'évaluation des risques, alors même que le ministère du Travail le préconisait et qu'en tout état de cause, c'est préconisé dans le cadre de l'établissement du DUER. Aussi, si l'employeur ne se prête pas à une explication, à un exposé exhaustif qui répond à toute situation au sein même de l'entreprise et à la spécificité des postes qui occupent ses salariés, la société va se heurter au juge judiciaire s'il les saisit, qui rendra, comme ça a été le cas dans ces deux affaires, une ordonnance les enjoignant de respecter l'obligation de sécurité qui leur incombait et en les condamnant à restreindre leur activité le temps qu'elles procèdent en y associant les représentants du personnel à une évaluation des risques professionnels liés au Covid-19 de sorte à ce que les mesures suffisantes soient prises pour protéger la santé des salariés, que ce soit à la poste ou chez Amazon dans les entrepôts, puisque c'était le cœur du sujet. Mais cette décision, elle est transposable à toute situation où nous avons des spécificités avec des salariés qui connaissent une grande promiscuité dans leur lieu de travail et donc un risque accru de contamination. Donc, juridiquement, la réponse à votre question, c'est oui, le DUER doit être actualisé. À défaut, l'employeur s'expose à de lourdes sanctions par le tribunal judiciaire. Très bien, merci beaucoup, maître. Franck Martini, comment le remplir? Quelle mention doit-on y faire figurer concrètement? Comment le remplir? Je pense que d'abord, là aussi, il faut partir de la base. Le DUER, c'est la somme des évaluations des risques qui ont été réalisés et effectivement qui doit être accompagné des mesures qu'on juge propres à corriger hein, ou à prévenir. Déjà, il me semble qu'il y a deux éléments qui sont importants, c'est que il y a peu d'entreprises à ce jour qui avaient prévu une entrée risque infectieux. Donc, je pense que c'est l'entrée qui est adéquate. Et je pense également qu'il y a aussi tous les éléments qui sont relatifs à la gestion des risques psychosociaux. Pourquoi ce dernier point? Parce que l'anxiété qui est générée par la situation de contamination potentielle, la fragilisation qui peut être produite hein, par la durée du confinement ou des formes de télétravail qui n'ont pas été suffisamment préparées, peut exacerber un certain nombre de difficultés. Donc, je pense que déjà, il faut l'aborder sur sur les deux aspects. Il y a un élément que je voudrais souligner, qui me paraît essentiel, c'est que bien entendu, et comme il a été dit précédemment, se contenter de reprendre les recommandations, qu'elles viennent du ministère du Travail, qu'elles viennent d'autorités médicales, ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que l'entreprise doit procéder à sa propre évaluation. Et c'est ça l'essentiel. Pourquoi? Parce que on va s'apercevoir que dans bon nombre de situations, la simple mise en œuvre des dispositions générales est totalement insuffisante. Je peux citer par exemple des situations de maintenance industrielle où lorsqu'on a à gérer un incident, les gestes barrières, c'est très compliqué de les appliquer. Il y a bon nombre de salariés également qui travaillent chez des clients dans l'entreprise. Ça peut être des transporteurs routiers, ça peut être des ingénieurs dans des SS2I. Il y a aussi tous les personnels du médico-social, par exemple, qui sont confrontés aux résidents et aux usagers. Et la distanciation sociale, elle ne peut pas se gérer comme, comment dire, très simplement. Donc, chaque fois, il y a toute une série de contextes particuliers qu'il faut prendre en compte. Prendre en compte pour mettre en place les mesures qui sont adaptées. Parce que si on se contente de faire l'évaluation des risques, bien entendu, ça n'a aucun sens. Alors, vous évaluez les risques et vous laissez les choses dans l'état. Donc, ça veut dire que ça doit être systématiquement accompagné de dispositions, de mesures qui vise à maîtriser l'exposition au risque. Donc, ces mesures-là, il va falloir les produire et les appliquer. Et là, je veux attirer l'attention de tout le monde sur un fait extrêmement important, c'est qu'il ne s'agit pas d'édicter ou d'écrire des mesures de prévention qui suivraient une évaluation. Encore faut-il être capable de les mettre en œuvre. Encore faut-il être capable de s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Parce que là aussi, il ne suffit pas de produire une procédure et de croire qu'elle va s'appliquer comme ça tout naturellement. Il faut veiller à ce qu'elle soit appliquée. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre des dispositions qui permettent non seulement, un, d'évaluer, deux, de prendre les mesures nécessaires, trois, de les mettre en œuvre, de les appliquer, quatre, de vérifier qu'elles sont effectivement appliquées. Donc, ça veut dire que dans cette histoire-là, les entreprises qui n'ont pas de dispositif de prévention très élaboré, qui n'ont pas de ressources hein, en termes de préventeurs ou autres, vont être particulièrement en difficulté et elles ont intérêt à réfléchir à la manière dont elles vont se débrouiller de ça. Autre élément aussi, du point de vue de la prévention en tout cas, qui me paraît extrêmement important, c'est que bien entendu, on évalue, on prend des mesures, on les applique, enfin bon, mais il est quasiment impossible de tout prévoir comme possibilité d'exposition. Donc il y a des situations qui sortent toujours de l'ordinaire, en tout cas du prévisible et de l'anticipable. Et quand ces situations arrivent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le salarié va s'exposer malgré tout? Est-ce qu'il va dire ben, « moi je me mets en droit de retrait, quitte à ce qu'il y ait des situations de conflit ou des choses comme ça, ou des dissensions avec l'employeur ?» Ça signifie très simplement que l'entreprise, elle doit veiller à identifier les situations qui sont non exposantes, potentiellement exposantes, qui sont non prévues, et permettre, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a des référents, parce que elle a pensé la chose, qu'il puisse intervenir et prendre les décisions appropriées. Et je ne pense pas qu'il faille laisser les salariés eux-mêmes gérer les situations qui sortent du cadre. Et les situations qui sortent du cadre prévues, il y en aura nécessairement. Donc, ça veut dire, par exemple, l'intervention de gens qui sont issus des RH, ça veut dire des missions nouvelles pour le management de proximité dans ce cas-là, ça veut dire que les acteurs qui seront positionnés là sur le fait de veiller que le dispositif de prévention fonctionne, il va falloir quand même à minima les informer, à minima leur dire quel est leur rôle. Donc, on n'est pas simplement sur le fait de retranscrire dans un document formel une évaluation plus ou moins grossière des risques, mais de se pencher sur la réalité des situations et trouver des réponses qui soient réellement adaptées et opérationnelles. Donc, moi, je dirais que oui, bien entendu, il faut faire le document unique, mais ça ne suffit amplement pas. Il faut faire évoluer le dispositif de prévention à la mesure des questions nouvelles qui sont posées par la pandémie. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était très clair. Alors, je suis désolée, je vais faire un petit peu maître du temps. Vous êtes tous les deux captivants, mais on a de la concurrence derrière. Il paraît qu'il y a un Premier ministre qui va s'adresser à l'Assemblée nationale et il est probable que certains participants souhaitent également le suivre. Donc, on va essayer de rester un petit peu synthétique, enfin un peu plus synthétique peut-être pour la suite, même si c'est vraiment un sujet captivant. Donc, nous allons aborder le deuxième thème, donc l'hygiène et la santé au travail. Donc, Maître, pouvez-vous… une petite question pour vous, Maître, que nous ont posé certains internautes. Est-ce que vous pourriez nous rappeler juste les deux référés dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, bien sûr. C'est un référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2020. Et le second, c'est l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril 2020. Le premier concerne La Poste, le deuxième concerne Amazon. Merci beaucoup, Maître. On a beaucoup entendu parler dans les médias. Oui, tout à fait. Alors, sur l'hygiène et la santé, donc voilà, les obligations légales qui contraignent l'employeur sur la santé des salariés. Alors, pour raccourcir aussi, parce que c'est quand même réellement en lien avec le thème numéro 1, puisque le DUER est en lien avec l'hygiène et la santé, il est bien évident que l'employeur, c'est une base acquise juridiquement. Ce sont les articles L4121-1 et suivants du Code du travail qui rappellent ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail envers tous ses salariés. Je le souligne parce qu'il ne faut pas en oublier. Il ne s'agit pas que des emplois CDI, non. Ce sont les CDD, ce sont les salariés en intérim, ce sont les sous-traitants. Donc, ça englobe vraiment tous ceux qui travaillent au sein de l'entreprise, je voulais le rappeler. Les règles, elles sont simples, on les a évoquées. Monsieur Martini a parlé aussi de cette notion d'hygiène et de santé. Moi, je voulais attirer l'attention l'employeur sur le risque pour lui si effectivement tout n'est pas mis en œuvre et pas que théoriquement dans le DUR, mais effectivement dans la pratique, sur le risque auquel il s'expose quant à la mise en perspective de sa responsabilité pénale. Parce que il se peut que dans le cadre de la pandémie, sa responsabilité pénale puisse être engagée s'il ne respecte pas les obligations qu'on a évoquées pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Au-delà de l'actualisation effectivement du DER, dans la pratique que les choses doivent être mises en place. J'ai voulu, dans cette partie, parce que ça m'a semblé important, on a évoqué la question des risques infectieux, c'est évident, mais ont été évoqués les risques psychosociaux. Lorsque le post-déconfinement va arriver dans 15 jours, l'employeur va falloir qu'il soit d'autant plus vigilant au respect des règles d'hygiène, de santé et sécurité de ses salariés. Sous peine de quoi? Bien, de lourdes sanctions, notamment pénales, mais aussi de se voir invoquer des droits de retrait de manière individuelle ou collective de ses salariés et par conséquent de ne pas pouvoir faire redémarrer son activité, ce qui engendrerait forcément un impact économique et donc des conséquences sur l'intégralité des salariés de l'entreprise. Il est vrai qu'il y a deux sortes de salariés. On va l'évoquer tout à l'heure dans le télétravail. Il y a ceux qui vont retourner sur site, voire ceux qui n'en sont pas partis du site, où là, il y a déjà des mesures de prévention, de gestes, de matériel qui a été mis à disposition des salariés. Donc, on va être dans la continuité normalement, dans une reprise d'activité encadrée physiquement. Et puis, il y a la question de ce télétravail. Et il ne faut pas les oublier dans l'aspect hygiène, santé et sécurité au travail. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur son lieu de travail qu'on ne doit pas bénéficier d'une hygiène et d'un cadre de santé préservé. Alors, il y a deux sortes d'entreprises. Il y a celles qui étaient habituées au télétravail. Donc, généralement, elles ont déjà un accord ou une charte de télétravail. Elles ont pu rapidement déployer leur organisation pour atténuer notamment les effets du confinement. Et puis, il y a toutes les autres, et elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on pense, qui ont dû, dans l'urgence, quasiment de manière instantanée, donner aux salariés les moyens de travailler depuis leur domicile, sans aucune phase de préparation ni de concertation préalable avec les organisations représentatives du personnel. Et là, je pense qu'il est important d'attirer l'attention de l'employeur et des salariés sur le fait qu'il doit y avoir une vigilance accrue et une attention particulière aux risques liés au télétravail. Quels sont-ils ces risques? Ils ont été référencés juridiquement. C'est le risque d'isolement, forcément renforcé par la situation exceptionnelle de confinement. Il y a aussi le risque d'hyperconnexion au travail. J'ai du mal à décrocher. Il y a aussi ce besoin de se rendre utile, de donner un sens à ce qu'on fait tous les jours. Il y a la problématique de la gestion de l'autonomie. Pour certaines catégories de salariés, il y a des difficultés dans l'organisation personnelle. Donc, à mon sens, c'est à l'employeur, là, de remettre en perspective soit les capacités de chacun, soit redistribuer les rôles au sein même des équipes pour veiller justement à ce que la gestion de l'autonomie ne devienne pas un problème. C'est ensuite, alors on est tous plus ou moins confrontés, mais l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, avec la séparation du temps, de l'espace entre le travail et les activités privées, qui est totalement bouleversée, le fait de travailler à la maison. Pas tout le monde a le lieu adapté pour, alors qu'on le sait, il y a une possibilité pour les instances représentatives, si le salarié en fait la demande, que des représentants du personnel se déplacent dans le lieu où se fait le télétravail pour vérifier que toutes les conditions de travail sont optimales. Il y a aussi, bien sûr, la question du suivi de l'activité, du rôle des managers de proximité, du maintien du collectif pour garder un esprit de cohésion au sein même de l'entreprise. À mon sens, aujourd'hui, il va être très important dans le cadre de la poursuite du télétravail qu'on va aborder dans le thème d'après, que des solutions soient rapidement imaginées pour que une mise en œuvre dès que possible permette d'atténuer les risques accrus de cette situation actuelle de confinement, afin d'éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des salariés en télétravail, parce que le risque, ce sont les plus graves, j'ai envie de dire, c'est le burn-out, voire le suicide du fait de l'isolement du salarié. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a le guide du télétravailleur. Je pense que Monsieur Martini en parlera bien mieux que moi. Mais effectivement, je pense qu'il est essentiel que les mesures d'hygiène et de santé au travail s'intéressent, quand il n'y a pas eu de charte établie au sein de l'entreprise, à cette problématique et rapidement. Alors, le temps compte, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, car ce sont souvent des salariés qui vont avoir du mal à manifester leur mal-être dans leur propre domicile. Voilà. Franck Martini, du coup, quel conseil pour reprendre le travail en toute sécurité, qu'on travaille dans un open space avec des collègues, en usine à la chaîne, où on a de nombreux internautes qui nous posent des questions là-dessus. Quand on est commercial ou visiteur médical, que doit-on mettre en place rapidement un peu dans ces différents cas? La première chose, me semble-t-il, c'est de considérer la sortie du confinement comme une phase transitoire. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'on a le confinement, on a le déconfinement, dont on ne sait pas à l'heure où on parle combien de temps ça va durer, et après on a reprise de la situation normale. Cette phase là de déconfinement n'est pas une situation normale. Ça veut dire que déjà effectivement il y a des enjeux qui sont des enjeux assez simples autour du port du masque, de la désinfection des lieux de travail, des gestes barrières, des choses de base, mais qui impliquent de prendre des mesures à minima de mise à disposition du matériel, des procédures d'hygiène clairement communiquées. Donc, il y a un travail de fond à faire sur cet aspect-là. Mais il est probable qu'il y a aussi des contradictions entre le maintien de la distanciation sociale, la réduction de l'exposition potentielle au risque, et le fonctionnement habituel. Donc, ça veut dire que, très, très simplement, je vais prendre le cas de bureau, tout simplement, on ne pourra pas avoir un respect réel des mesures préconisées dans des lieux qui fonctionnent comme habituellement. Donc, ça signifie ça qu'il y a des mesures qui doivent être prises du côté de l'organisation du travail. C'est-à-dire que si on est sur site aussi nombreux que ce qu'on était avant le confinement, ça ne va pas pouvoir être mis en place. Donc, ça va devoir faire réfléchir les entreprises à, par exemple, moduler les horaires, faire du travail en équipe, mixer le télétravail et le travail sur site. Faire du roulement entre télétravail et travail sur site, par exemple. Et là, on n'est pas dans des mesures d'hygiène, on est complètement dans des mesures d'organisation du travail. Donc, ça signifie de planifier, sur quelques semaines probablement, cette phase transitoire avec l'ensemble des mesures qui vont permettre effectivement de créer un environnement où les mesures relatives à l'hygiène, à la distanciation sociale pourront être mises en œuvre. Donc ça me semble une règle de gestion de la situation assez déterminante et qui va permettre aussi, par exemple, de régler des questions comme la restauration collective. On voit bien que sur cet aspect-là, très, très concret, là, on ne peut pas rouvrir comme ça, de la même manière, dans les mêmes espaces, avec le même nombre de personnes. Donc, ça veut dire que les choses doivent bouger, et notamment en termes d'horaire d'ouverture. Sinon, c'est insoluble. Donc ça, ou par exemple encore, c'est un détail, mais enfin, quelles sont les règles d'usage des ascenseurs? Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, si on est dans des tours à la Défense, on voit bien que, bon, on ne peut pas y aller un par un, quoi. Ça va poser des problèmes. Mais alors, comment le règle-t-on? Quelle est la bonne règle de conduite? C'est du détail, mais je pense que ça doit être pris en compte. Et le fait que ce soit pris en compte, c'est aussi un facteur qui permet de rassurer les salariés. Sur la question que vous posiez sur des commerciaux, des visiteurs médicaux, hein, enfin des salariés qui ont ce type d'activité. Alors évidemment, bah, là aussi, on est parfois simplement dans du bon sens. C'est-à-dire que si je suis visiteur médical et que je continue, je me remets à exercer mon activité dans les conditions d'avant le confinement, je vais me retrouver dans des salles d'attente qui sont des lieux significatifs d'exposition. Donc, quelle stratégie à mettre en place pour éviter ça? Mais est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des stratégies en modulant les moments de visite, hein, par exemple, et en tenant le fait que mes objectifs, c'est les mêmes qu'avant? Je crois que ce n'est pas possible non plus. C'est-à-dire que si les objectifs en termes de performance sont identiques à ce qu'ils étaient avant le confinement, pendant la période transitoire, on va nécessairement mettre des gens dans des contradictions. Il faut que j'atteigne mes objectifs. Il faut que je me préserve. Et on va les laisser seuls, finalement, régler le problème et la situation. Et ça, c'est pas possible. Parce que ce type de contradiction-là, il faut qu'elle soit posée clairement, qu'elle soit posée éventuellement dans le cadre du dialogue social avec le CSE ou le CHSCT, et que ces éléments-là soient débattus, parce qu'on va parler de choses tout à fait concrètes et pragmatiques. Si c'est à chacun finalement d'arbitrer entre la préservation de sa santé, de sa sécurité et l'obtention de la performance ou simplement la réalisation du travail, on va mettre des gens dans des situations impossibles. On va avoir des salariés qui vont avoir des postures extrêmement diverses au sein d'une équipe, d'un collectif ou d'une entreprise, et on va créer en série tout un ensemble de problèmes. Donc, il faut être extrêmement attentif à anticiper ce genre de situation. Et on est bien là, j'allais dire, sur deux champs qui me paraissent déterminants sur ces histoires-là, le champ de l'organisation du travail et le champ du dialogue social, en mettant, sur la table, l'ensemble des dimensions qui sont relatives à la définition ou à la redéfinition des objectifs pour une période provisoire, au mode de comportement à adopter dans les situations concrètes et les situations réelles. Voilà ce que je pouvais dire, hein, par rapport à la question là qui a été posée. Merci beaucoup. Nous allons donc passer au thème du télétravail que vous avez déjà bien abordé, Maître Fontana. Du coup, je vais juste vous poser une question. Un salarié est-il en droit de le refuser, ce télétravail? Et autre question qui est fréquemment demandée par nos internautes, à quels frais l'employeur doit-il participer? Alors, pour répondre à ces questions, je dirais que est-ce qu'un salarié peut refuser? Alors, s'il y a une situation, j'ai envie de dire, de mise en danger du salarié parce que justement le télétravail lui pèse, qu'il est dans un risque de burn-out ou manifeste des signes qui peuvent inquiéter et qui doivent alerter la hiérarchie, donc l'employeur. La question, elle se traite au cas par cas et ce sont les instances représentatives qui doivent faire le lien pour favoriser le dialogue et être à l'écoute d'un salarié qui tirerait la sonnette d'alarme. Par contre, légalement, le télétravail, il est légiféré.

le ministre du Travail a rendu dans un avis du 19 mars 2020, dans ses points 5 et 6, si l'employeur n'a pas la capacité d'avoir mainmise sur la situation de danger, le droit de retrait ne peut pas être invoqué, car il doit être rattaché spécifiquement au travail et non à un risque global. Et lorsque le salarié pense en transport en commun, il s'expose à ce qu'on appelle juridiquement un risque global. L'employeur ne peut pas intervenir parce qu'il ne peut pas justifier d'un quelconque lien de subordination entre l'entreprise de transport et lui-même. Donc, il ne peut donner aucune directive à la société de transport. Et au sens strict, il n'a pas la main mise sur la situation de danger qui ne résulte pas du travail, mais bien du choix opéré par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Moi, je pense néanmoins que ce qu'il faut favoriser, parce que effectivement, ça va être des angoisses de salariés, c'est là encore le dialogue social pour essayer peut-être de décaler au niveau de l'entreprise la prise de poste. Il est bien évident que si vous devez prendre votre poste à 8h, 8h30, vous allez vous trouver dans le rush des transports en commun. S'il y a un décalage et que votre prise de poste, donc ça va être un aménagement des conditions de travail, est décalé, je vais dire, à 9h30, vous avez moins de risques de vous trouver dans un rush de transport. Mais le droit de retrait ne peut pas être appliqué dans ce sens-là. Très bien, merci. Et Monsieur Martini, du coup, y a-t-il d'autres dispositions à prendre en dehors justement du décalage des horaires Non, je vais être très bref. Hein, si on dit que finalement c'est la distanciation sociale, le port de masque et l'usage de gel hydroalcoolique qui sont des mesures de protection, bon, ben on peut imaginer qu'on demande ça aussi dans les situations de transport en commun. Évidemment, la solution des horaires et de la modulation des horaires est quelque chose nécessairement à prendre en compte. Sauf que peut-être que ça va se heurter à des difficultés au sein de l'entreprise, parce que si on veut des rotations sur les sites de travail, tout le monde ne pourra pas commencer et finir à des horaires supposés plus fluides hein, dans les bus ou les métros. Donc, il va bien falloir prendre en compte cette dimension-là. Il sera quand même assez intéressant de voir comment la SNCF, par exemple, hein, ou la RATP, ou les compagnies de transport vont elles-mêmes mettre en place des mesures qui répondent aux exigences hein, de distanciation sociale qui impliqueraient notamment des rotations plus importantes en acceptant le fait que les taux de charge ou de remplissage hein, des avions, des trains, des métros soient à la mesure des nécessités d'hygiène hein, qu'il s'agit de prendre. Partant de là, effectivement, l'entreprise n'a pas la main. Tout ce qu'elle peut faire au-delà des horaires, c'est essayer de réfléchir et avec probablement les membres du CSE sur finalement quels sont les trajets et les modes de transport les plus adéquats et de se renseigner sur les dispositions prises par ces entreprises de transport. Très bien, merci beaucoup. Nous passons donc à notre dernier point sur l'attitude à observer vis-à-vis des personnes à risque. Alors déjà, il y a une première mesure qui a été annoncée, si mes souvenirs sont bons, c'était par le Premier ministre ou peut-être même notre président de la République lui-même, sur le fait que ces personnes à risque passeraient en chômage partiel et non plus en statut arrêt de travail. Alors, je vous le confirme. Alors aujourd'hui, c'est la loi de finances rectificative pour 2020 qui a été publiée le 26 avril dernier, donc dimanche, qu'il confirme changement de régime à compter du 1er mai 2020. Les personnes dites à risque, dont la liste a été dressée par le Haut Conseil de santé publique le 14 mars 2020, vont passer en activité partielle, alors que jusqu'à présent, ils étaient en arrêt de travail. Pourquoi est-ce qu'ils passent en activité partielle? Plusieurs raisons. La première, c'est parce que au-delà de 30 jours d'arrêt maladie, ils peuvent avoir une perte sous réserve d'une ancienneté quand même de 5 ans, ce qui est important, à 66% de leur salaire, alors que jusqu'à présent, ils étaient maintenus entre 100 et 90% de leur salaire. Donc, ils s'exposaient à une perte de rémunération. Pendant l'arrêt de travail, ils ne pouvaient pas acquérir des congés payés. Alors, dans le cadre d'une activité partielle, ils peuvent aussi acquérir des congés payés. La seule problématique, c'est que aujourd'hui, nous réfléchissons sur une base, une liste du 14 mai 2020 sur les personnes qui ont été classées à risque et qui est exhaustive. Aujourd'hui, les caractéristiques de la personne vulnérable seront précisées par voie réglementaire pour l'application de cette loi à compter du 1er mai 2020. Donc, je ne suis pas en capacité de vous dire exactement quels sont les salariés qui vont être considérés comme étant à risque, même si je présuppose que la liste initiale soit va être légèrement diminuée, mais à mon sens, on va presque y coller. La question qui était posée, c'était, me semble-t-il, aussi le risque de dévoiler le secret médical par rapport à l'employeur. Oui, je mais il faut vraiment faire vite parce que là, le Premier ministre parle dans 2 minutes. En deux mots, pour éviter tout risque de dévoiler un aspect médical et donc qui relève de la sphère privée du salarié, c'est associer la médecine du travail qui est soumise, elle, au secret médical, qui sera à même de rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude dans le cadre de la pandémie pour être en activité partielle ou pas. Voilà, j'espère que ça suffit. Merci beaucoup. Monsieur Martini, du coup, comment protéger ces personnes peut-être un petit peu plus et essayer d'éviter de les stigmatiser vis-à-vis des autres collègues? Alors bon, protéger n'est pas stigmatiser, hein, ça c'est important à souligner. Oui. Après, moi personnellement, j'ai un doute sur la capacité des services de santé à pouvoir générer des visites médicales, hein, et permettant de procéder à des inaptitudes. Et derrière, la question, c'est que pour savoir qu'une personne a risque, ben dans ce cas-là, il va bien falloir qu'elle le dise. Ou qu'elle se retrouve en inaptitude. Donc, en règle générale, ça veut dire qu'elle le dise. Donc, il y aura des gens qui sont en fragilité qui ne le diront pas. Donc, de fait, c'est la robustesse des dispositions de prévention générale de l'entreprise qui vont être déterminantes. Dans le cas où on le sait, parce que la personne l'a dit, et pas autrement bien entendu, bah, je pense qu'il faut repérer soit les périodes horaires, les lieux de travail qui présentent le moins d'exposition et finalement prioriser ces personnes-là dans l'attribution des temps de travail ou dans l'attribution du télétravail, par exemple. Pour être très bref. Très bien, oui. Donc, effectivement, un petit peu aménager le temps de travail autour d'eux, enfin, en les priorisant en tout cas au départ. Et les gens s'organisent un petit peu autour. En les priorisant à la condition qu'on sache. Oui, bien évidemment. Merci beaucoup. Vous avez été passionnants tous les deux. C'était un véritable plaisir de vous écouter. Merci pour la clarté de vos réponses. J'espère que le format de ce webinaire a plu à nos internautes. Donc, merci beaucoup, Maître Fontana. Je vous dis au revoir. Et merci à vous, Monsieur Franck Martini, également pour vos lumières. Je vous remets donc juste les coordonnées. Et je sais que vous les aviez redemandées, les coordonnées de Maître Fontana et de Franck Martini pour pouvoir poser des questions peut-être un petit peu plus précises. Je remercie à tous les participants qui ont été très nombreux. Vous avez été presque 600 à certains moments. Donc vraiment merci de votre fidélité. Je vous rappelle que l'ensemble du dispositif coronavirus sur le site se trouve sur la page www.juritravail.com/coronavirus. Et je rappelle également aux élus de CSE ou délégués syndicaux que nous avons mis en place des groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn afin d'échanger entre nous et de nous entraider. Voilà, merci beaucoup à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée.